إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma Bad. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 21 dans la série de Al-Mulakhas Al-Fiqhi du livre du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et aujourd'hui c'est le chapitre Babun fi Sujud Al-Tilawa qu'on commence à expliquer Inch'Allah, c'est-à-dire un chapitre au sujet du Sujud, de la prosternation lorsqu'on récite le Coran. Cheikh il dit wa min as-sunani Sujud Al-Tilawa سمي بذلك من إضافة المسبب للسبب لأن التلاوة سببه فهو سجود شرعه الله ورسوله أي عبودية عند تلاوة الآيات واستماعها تقربا إليه سبحانه وتعالى وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه C'est-à-dire que parmi les sunan qui ont rapport avec la salat et tout ça, il y a sujud tilawa, c'est-à-dire les prosternations qu'on fait lorsqu'on récite le Coran et qu'il y a une mention de la prosternation ou quelque chose de ce genre. Donc, yani, parmi les choses qui font partie de la sunna, c'est de se prosterner lorsqu'on entend ça. Et le cheikh il dit qu'on appelle cette prosternation la prosternation de la récitation. Pourquoi? Parce que justement c'est à cause du fait que c'est lorsqu'on récite le Coran qu'on fait cette prosternation là. Et c'est une prosternation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré ainsi que son messager dans le but d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on récite ces versets et lorsqu'on entend ces versets également. Et dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le but également de se soumettre à sa grandeur et de s'humilier devant lui. Le cheikh il dit wa yusannu sujud at-tilawa lil qari' wal mustami' wa qad ajma' al ulama 'ala mashru'iyyatihi. Qala Ibn Umar رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة وفيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته متفق عليه. Donc le cheikh il dit que parmi les sunan ça fait partie de la sunna de se prosterner lorsque une personne récite le Coran et lorsqu'une personne entend quelqu'un réciter le Coran également. Et ça c'est quelque chose au sujet duquel c'est une chose au sujet de laquelle les savants sont d'accord, ils sont tous unanimes à ce sujet là, c'est-à-dire ils sont unanimes sur le fait que ça fait partie de la charia. Et c'est rapporté selon Ibn Umar radiallahu anhu par l'imam al-Bukhari muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait parfois, yani en fait Ibn Umar il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait pour nous le Coran, ou bien récitait une sourate, et il y avait dedans la mention de la prosternation. Alors il se prosternait, et nous prosternions avec lui, jusqu'à ce que, à un tel point que quelques-uns d'entre nous ont trouvé pas un endroit pour mettre notre front par terre tellement, yani, les gens se prosternaient tous en même temps, et donc et ils étaient en train de, d'écouter la récitation du professeur sallam, et lorsqu'ils voyaient que le professeur sallam se prosternait, ben ils se prosternaient tous en même temps, donc parfois ils ne trouvaient pas un endroit pour mettre leur front par terre. Et ça c'est donc, comme j'ai dit, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite, le Cheikh dit, قال l'imam Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullah, wa mawadi'u as-sajadat akhbar wa awamir. خبر من الله عند سجود مخلوقاته له عموما أو خصوصا فسنة للتالي والسامع أن يتشبه بهم عند تلاوته آية السجدة أو سماعها وآية الأوامر أي التي تأمر بالسجود بالطريق أو لا. Donc l'imam Ibn Al-Qayyim dans مدارج السالكين il dit que les endroits dans le Coran où on doit se prosterner, ce sont deux catégories, les akhbar et les awamir. Akhbar, c'est-à-dire des informations au sujet de certaines des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se prosternent, hein, que ce soit des messagers ou que ce soit d'autres parmi les créatures qui se sont prosternées, et donc à ce moment-là, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne d'une façon générale ou d'une façon spécifique certaines de ces créatures qui se prosternent, eh bien ça fait partie de la sunna pour la personne qui récite et pour la personne qui écoute la récitation d'imiter, disons, ces créatures qui se prosternent lorsque ce verset est récité ou entendu. C'est-à-dire le verset qui parle de la prosternation. Et la deuxième catégorie, c'est les versets qui ont un commandement, c'est-à-dire un verset dans lequel il y a le commandement de se prosterner comme un verbe impératif qui ordonne donc à quelqu'un de ou aux êtres humains ou aux créatures de se prosterner. Et donc dans ce cas-là, on doit faire une prosternation, il y a de façon encore plus évidente que lorsque c'est une information. Ensuite, le cheikh dit « Wa an Abi Huraira marfou'an » إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فللنار رواه مسلم وابن ماجه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté selon Abi Huraira مرفوعا. Et c'est apporté par l'imam Muslim et Ibn Majah. Et ce hadith-là, il dit que lorsque le fils d'Adam récite la prosternation et qu'il se prosterne, le shaitan s'éloigne et il pleure. Et il dit « Malheur à moi, le fils d'Adam a été commandé de se prosterner et il s'est prosterné. Et à cause de ça, il aura le paradis. » Tandis que moi, on m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé. Et à cause de ça, j'ai l'enfer. Donc, alhamdoulilah, yani, c'est comme un rappel pour faire comprendre l'importance de la prosternation, en fait. Et comment le shaitan est, disons, triste à chaque fois qu'il entend ou qu'il voit qu'un des fils d'Adam se prosterne, parce qu'il se rappelle sa propre désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Naam, et qu'est-ce qui lui a valu l'enfer? Donc, le Cheikh il continue et il dit: وَيُشْرَعُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي حَقِّ الْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ وَهُوَ الَّذِي يَقْصُدُ الْاِسْتِمَاعِ لِلْقِرَاءِ. C'est-à-dire, ça fait partie de la Sharia que quelqu'un se prosterne lorsqu'il récite le Coran. Et ça, donc, ça concerne la personne qui lit et la personne qui écoute. Et c'est-à-dire, lorsqu'on dit la personne qui écoute, c'est-à-dire la personne qui écoute dans l'intention, non pas la personne qui entend, parce que des fois la personne entend le Coran, mais elle n'est pas concentrée, c'est-à-dire elle porte pas l'intention, elle n'a pas l'intention d'écouter le Coran, c'est quelqu'un qui récite et puis elle entend par la force des choses, tandis que la personne qui écoute, yani elle est assise avec dans le but et dans l'intention d'écouter le Coran et de méditer sur ses sens et de réfléchir sur sa signification. dans le cas de cette personne, elle doit se prosterner lorsqu'elle entend le Coran. Et le cheikh dit, wa fi hadith ibn Umar al-Mutaqaddim, كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه وفيه دلالة على مشروعية السجود للمستمع أو سجود المستمع. Donc le chef il dit à cause du hadith qu'on a mentionné plus tôt selon Ibn Omar que lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم il lisait un verset qui avait mention de la prosternation, il se prosternait et nous nous prosternions avec lui. Donc il y a une preuve que c'est légiféré et que ça fait partie de la charia de se prosterner lorsqu'on entend le Coran et non pas seulement lorsqu'on le récite. أما السامع فهو الذي يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة لما حكى البخاري أن الشيخ دي أما السامع وهو الذي لم يقصد الاستماع فلا يشرع في حقه سجود التلاوة. C'est ça. Donc exactement comme je disais, celui qui entend mais qui n'écoute pas, yani, il n'a pas eu l'intention d'écouter, alors pour lui c'est pas légiféré de se prosterner dans son cas, de se prosterner puisqu'il n'a pas écouté la récitation. Et c'est le cheikh Zilima haka al-Bukhari anna Uthman رضي الله عنه مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمعها روى ذلك عن غيره من الصحابة. Donc il dit que l'imam al-Bukhari a raconté que Uthman رضي الله عنه est passé près de quelqu'un et la personne récitait un verset qui avait une prosternation dedans et il a récité ça pour que Othman se prosterne mais il ne s'est pas prosterné. Alors Othman a dit la prosternation c'est uniquement pour celui qui l'a entendu. Et donc ça c'est apporté selon plusieurs parmi les sahaba. Et donc ça c'est également mentionné dans Al-Musannaf de l'imam Abdurrazzaq al-Sanani et c'est également mentionné dans Sunan al-Bayhaqi. Donc c'est mentionné dans ces deux livres là et l'imam al-Bukhari l'a mentionné en résumé. الشيخ يقول ensuite وسجدات التلاوة في القرآن في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم والنجم والانشقاق وإقرأ باسم ربك وفي سورة صاد وفي سجدة صاد خلاف بين العلماء هل هي سجدة شكر أو سجدة تلاوة والله أعلم. Le cheikh il dit que les prosternations de récitation sont dans le Coran, dans la sourate Al-A'raf, dans la sourate Al-Ra'd, dans la sourate Al-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj, Al-Furqan, Al-Naml et Alif Lam Mim Tanzil, Hamim et Al-Najm Wal-Inshiqaq. Ça c'est les noms des versets dans lesquels il y a une prosternation. Également dans la surat al-alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq et également le cheikh dit que dans la surat Saad il y a une prosternation. Toutefois il y a une différence d'opinion parmi les ulama en ce qui concerne cette prosternation là dans la surat Saad, c'est à dire est-ce que c'est une prosternation de récitation ou bien une prosternation de remerciement, car il y a une différence d'opinion à ce sujet là. Après le cheikh dit ويكبر إذا سجد للتلاوة لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود. Donc le cheikh ici il mentionne, il dit que il faut il faut faire le takbir et se prosterner pour la prosternation de la récitation. Il dit que c'est basé sur un hadith d'Ibn Omar dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait le Coran et donc lorsqu'il passait sur un verset qui mentionne la prosternation, il faisait le takbir, hein, kabbara, et il faisait le sujoud et nous nous prosternions avec lui. Ça c'est rapporté par Abu Daoud. Toutefois, ce hadith là rapporté par Abu Daoud, il n'est pas authentique, il n'est pas sahih. Le Cheikh Mohamed Nasiruddin al-Albani l'a déclaré daif dans Irwa al-Ghalil, le hadith numéro 472. Et donc, yani, on ne peut pas donc utiliser ce hadith comme une preuve dans la question du takbir. Et donc, yani, d'après ce que j'avais déjà remarqué aussi, il y a une différence d'opinion au sujet du takbir. Et yani, il semblerait que la position la plus correcte, ce soit qu'on ne doit pas faire un takbir avant de se prosterner. Wallahu a'lam. Ok. Donc, le Cheikh il dit ensuite, « وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى كَمَا يَقُولُ فِي سُجُودِ الصَّلَةِ » Il dit que dans le sujoud, tu dis « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى » comme tu le dis lorsque tu fais le sujoud dans ta prière habituellement. « وَإِنْ قَالَ سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحوله وقوته اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبل مني كما تقبلتها من عبدك داود فلا بأس. Donc il dit que si également tu veux dire le dua que je viens de lire, dans ce cas-là il n'y a pas de problème de le dire. Et le cheikh il dit والاتيان بسجود التلاوة عن قيام أفضل من الاتيان به عن قعود. Cheikh il dit que de faire le sujoud lorsqu'on est debout, c'est-à-dire le sujoud de tilawa, c'est mieux de le faire en partant d'une position debout que de le faire à partir d'une position assise. C'est-à-dire comme si tu es debout et tu t'assois pour le faire. Si tu es debout puis tu te prosternes, c'est préférable lorsque tu es assis puis tu te prosternes. Si tu es assis, c'est préférable de se lever avant de se prosterner plutôt que de se prosterner directement à partir de la position assise. Et il n'a pas mentionné de dalil à ce sujet là Allahu alam, peut-être c'est seulement une ijtihad dans ce sens là donc Allahu alam. Ensuite le Cheikh il dit ayyuhal muslim إن طرق الخير كثيرة فعليك بالجد والاجتهاد فيها والإخلاص في القول والعمل لعل الله يكتبك من جملة السعداء. Donc le Cheikh il dit que ô musulman, sache que les voies vers le bien sont nombreuses et donc fais des efforts et sois sérieux et sois sérieux, fais des efforts dans le bien et fais preuve de sincérité et de pureté dans tes paroles et dans tes actions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'écrive parmi les gens qui sont heureux et qui auront le bonheur. Maintenant on arrive à un autre chapitre et ce chapitre c'est باب في التطوع المطلق, c'est-à-dire un chapitre au sujet des prières surérogatoires indéfinie. Non. Et en particulier, on parle de la prière de la nuit. On parle de Qiyam al-Layl. Puis, il y a des autres règles qui ont rapport avec cette prière-là vont venir plus tard, Inch'Allah. Donc, le Cheikh, il dit Rawa Ahl Sunan. باب في التطوع المطلق روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة قال الصلاة في جوف الليل. Les gens, les ulama ou les imams des sunan, ceux qui ont écrit des sunan, les sunan c'est quoi en fait, qu'est-ce qu'on appelle un sunan? C'est un recueil de hadith qui a été rassemblé par un des ulama. Okay. Et c'est classé par les chapitres de livre de fiqh. D'accord? C'est classé selon les chapitres des livres de fiqh. Tandis que la musnad, eh ben, c'est classé par selon le nom des rapporteurs. Donc ça, il y a une petite différence entre les deux. C'est juste selon la méthode de classement des hadiths dans ces livres-là. Ensuite, le cheikh, il dit donc que les gens de Sunan, ont mentionné ce hadith. Toutefois, il est mentionné également par l'imam muslim et selon Abi Huraira. Le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé quelle prière est meilleure après les prières obligatoires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est la prière qu'on fait en pleine nuit. Fijou fil layl. Le cheikh dit également, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, inna fil layl la sa'atan la yuwafiquha رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. الشيخ المسلم النط حديث كي رابورتي سلو مسلم également حديث سلو جابر كي dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il y a une heure dans la nuit que يعني si quelqu'un se lève et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de quelque chose de la dunya ou de l'akhira, eh ben, si il arrive et il prie, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala au même moment que cette heure-là, eh ben, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner ce qu'il a demandé. Et ça, c'est dans chaque nuit. Donc, si un musulman se lève durant cette heure et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala et il lui demande quelque chose de bien, que ce soit des choses de la dunya ou de l'akhira, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner. Et ça, c'est chaque nuit. Après, le cheikh, il mentionne un autre hadith qui dit, قال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. Le cheikh, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, yani, priez durant la nuit, car c'est l'habitude des gens pieux avant vous, et c'est un rapprochement pour vous vers votre Seigneur, et c'est quelque chose qui efface vos péchés, et c'est quelque chose qui vous efface vos erreurs et vos péchés, et qui vous empêche de faire des péchés également. Et ça, c'est rapporté par Al-Hakim selon Abi Umama. Et il est déclaré sahih par le cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani dans Sahih al-Jami' al-Saghir. Donc il est authentique. Donc le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ مَدَحَ اللَّهُ الْقَائِمِينَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Le cheikh ici il mentionne un verset qui est de Sourate Al-Dhariyat. C'est le verset 16 et 17 dans Sourate Al-Dhariyat. Car ils ont été auparavant des bienfaisants. Ils étaient muhsinin, ils avaient l'ihsan. Donc c'était des gens qui faisaient le bien. Et ils dormaient peu la nuit. Et puis, aux dernières heures, vers l'aube, Al-Ashar, ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est les caractéristiques des mu'minin. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a glorifiés. Et parmi leurs caractéristiques, c'est ça. C'est qu'ils dormaient peu la nuit et qu'ils, ils étaient muhsinin, ils dormaient peu la nuit et qu'ils demandaient pardon durant la nuit avant l'aube. Naam. Et donc, il y a également un autre verset que le cheikh a mentionné dans Surat al-Sajda. Et c'est 16-17, le verset 16-17 également. Ça dit, تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc, le verset 16-17. Ça dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font des largesses de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Donc ça c'est à propos de ces deux versets-là, et ça c'est également un autre verset qui mentionne les caractéristiques des mu'minines et que Allah subhanahu wa ta'ala a glorifié en disant qu'ils se lèvent de leur lit et ils invoquent leur Seigneur. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Il faut essayer donc d'avoir ces caractéristiques et puis de se lever durant la nuit. Et puis, Allah Musta'an, à notre époque, on trouve que yani, c'est malheureusement peu d'entre nous qui avons la chance de profiter de ces heures de la nuit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes sortes de raisons différentes. Non, mais que Allah nous facilite les choses. Amin. شيخ الزي والنصوص في ذلك كثيرة تدل على فضل قيام الليل فالتطوع المطلق أفضله قيام الليل لأنه أبلغ في الإصرار وأقرب إلى الإخلاص ولأنه وقت غفلة الناس لما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. نعم دونك يعني le cheikh il dit que ces versets-là donc qu'on vient de mentionner et puis les hadiths ça montre que parmi les meilleures formes d'adoration il y a le qiyam al-layl, c'est-à-dire de prier durant la nuit, et ça c'est parmi les prières disons volontaires qui sont indéfinies, et ben c'est la meilleure catégorie, c'est la meilleure forme, c'est les prières durant la nuit, parce que c'est, disons que c'est plus facile à les faire en secret et qu'on est plus près de la sincérité, parce qu'il fait noir, personne ne nous voit et c'est tard la nuit, tout le monde dort. Donc dans ce cas-là, c'est plus facile de se cacher pour les faire, et c'est plus facile pour faire preuve de sincérité lorsqu'on les fait et que personne ne nous voit excepté Allah subhanahu wa ta'ala. ولأنه وقت غفلة الناس. Déjà, ils sont insouciants dans le sens qu'ils dorment, ils font pas attention à qu'est-ce que tu peux être en train de faire quand tu es en train de te prosterner à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après le Cheikh dit لما فيه من إثار الطاعة على النوم والراحة. Parce que la plupart des gens ils préfèrent dormir et se reposer. Et donc quand toi tu te lèves et que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est comme si réellement tu as préféré l'adoration d'Allah et l'obéissance au repos et au sommeil. Donc, il y a là-dedans, il n'y a pas de doute qu'il y a une grande récompense pour ça. Et en fait, tout sacrifice que quelqu'un peut faire dans sa religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toujours quelque chose qui amène plus de récompense et plus de plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, dans les limites du Coran et de la Sunna, sans tomber dans les extrêmes, bien entendu. Le Cheikh il dit ويستحب التنفل بالصلاة في جميع الأوقات غير أوقات النهي وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار لما سبق وأفضل صلاة الليل الصلاة في ثلث الليل بعد نصفه لما في الصحيح مرفوعا أحب الصلاة إلى الله صلاة داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui sont recommandées, c'est de faire des nawafil durant toutes les heures. Les choses recommandées, c'est de faire des prières volontaires surérogatoires à n'importe quelle heure, excepté dans les heures interdites, comme par exemple après la prière de Fajr, avant le lever de soleil, ou bien avant le coucher de soleil, après l'Asr, etc. Donc dans ces temps-là, c'est interdit de faire des salawat. En dehors de ces heures-là, c'est permis. Et donc le cheikh il dit que il est recommandé de faire des prières volontaires à toute heure, et que les meilleures prières, c'est les prières de la nuit parmi les prières surérogatoires. Elles sont meilleures que les prières de la journée, pour les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et parmi les prières de la nuit, les meilleures, c'est celles qu'on fait au tiers après la demi de la nuit. Donc c'est-à-dire les prières qu'on fait au dernier tiers de la nuit. Pour qu'est-ce qui à cause du hadith sahih qui est mentionné, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Amr. Naam, il dit que la prière la plus aimée pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la prière de Daoud. Lui, Daoud, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait la moitié de la nuit et il se levait vers le dernier tiers et il dormait un autre sixième par la suite. Donc ça veut dire il dormait la moitié de la nuit, il se levait, il priait le tiers, il priait un tiers après et puis il dormait un sixième encore une fois avant la prière de Fajr. Donc c'est ce que le cheikh explique en disant kana fa kana yurihu nafsahu binawmi awwal al-layl ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه فيقول هل من سائل فأعطيه سأله ثم ينام بقية الليل في السدس الأخير ليأخذ راحته حتى يستقبل صلاة الفجر بنشاط وهذا هو الأفضل وإلا فالليل كله محل القيام. الشيخ الذي يسي que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné la prière de Daoud et il a dit qu'il se reposait en dormant la première partie de la nuit, puis il se levait par la suite pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et yani, on sait le hadith dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit que dans le dernier tiers de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend aux cieux, au dernier des cieux, c'est-à-dire aux cieux de la dunya, et il demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me demander pour que je lui donne ou que je l'exauce? Et donc on voit que yani, il y a là-dedans un grand mérite, une grande grâce là-dedans, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il descend plus près et il se rapproche et il demande à ses créatures qui veut lui demander pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne, qui veut demander pardon pour qu'Allah lui pardonne, yani, comme c'est mentionné dans le hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et rapporté également par Muslim selon Abi Huraira. Après, il dormait le reste de la nuit. Il dormait le reste de la nuit, le dernier sixième, pour prendre son repos. Et puis, il se préparait par la suite pour la prière de Fajr, pour être plus en forme. C'est-à-dire le fait qu'il dorme après, ça lui donnait un peu de repos encore. Et puis là, il se réveillait en forme pour la prière de Fajr. Il dit le cheikh, donc ça c'est le mieux. C'est de faire ça, c'est ça qui est le mieux. Sinon, toute la nuit entière, et on peut prier dedans. Il n'y a pas une partie qu'on ne peut pas prier. Toute la nuit est bonne pour prier en entier. Ensuite, le cheikh il dit que l'imam Ahmad a dit, « قال l'imam Ahmad, rahimahullah, قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر. » L'imam Ahmad a dit que le qiyam, la nuit, prier la nuit, ça commence à partir du maghrib, du coucher de soleil, jusqu'au lever du soleil. Donc ensuite il dit wa alayhi fannafilatu bayna al-isha'ayn min qiyam al-layl wa walakin ta'khir al-qiyam ila akhir al-layl afdal kama sabaq. قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا والناشئة هي القيام بعد النوم والتهجد إنما يكون بعد النوم. Donc le cheikh il dit que donc de faire des prières entre les deux Isha, c'est, ça fait partie de Qiyam al-Layl. Et Al-Isha Ayn, c'est Al-Maghrib ou Al-Isha. Donc, de faire des prières nafila, si je ne me trompe pas, Al-Isha Ayn, c'est Al-Maghrib et Al-Isha. Donc, il dit que de prier entre ces deux-là, ça fait partie de prier la nuit. Toutefois, c'est mieux de retarder le Qiyam plus tard dans la nuit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Inna nashi'at al-layli hi ashad wat'an wa aqwa muqila. C'est-à-dire que an-nashi'a, dans ce verset-là, ça c'est dans Surat al-Muzammil, le verset 6. An-nashi'a, c'est qui? Celui qui se lève. C'est la prière que tu fais après avoir dormi durant la nuit. Donc, la prière que tu fais après avoir dormi et tu te réveilles pour la faire, eh ben elle est mieux que la prière que tu le fais avant de dormir. Donc le fait que tu te sois levé, c'est ça qui fait en sorte que cette prière là, comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit ashadd wat'an wa aqwa muqila, c'est-à-dire plus efficace et plus propice pour la récitation. Ça, c'est la traduction qui était donnée à ce sujet au sujet de ce verset-là. Donc, comme j'ai dit, An-Nashi'a, c'est Al-Qiyam Ba'd al-Nawm, c'est de se lever après avoir dormi. Et Tahajjud, quand on parle de la prière de Tahajjud, c'est la prière dans la nuit, eh bien, c'est après avoir dormi, après s'être réveillé. وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْوِي الْقِيَامَ اللَّيْلِ فَيَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ حَظًّا مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ يُدَاوِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ. Le cheikh il dit que il faut avoir l'intention de faire le Qiyam al-Layl. Quand tu vas te coucher, quand tu vas dormir, tu dors avec l'intention de te lever durant la nuit pour faire Qiyam al-Layl. Et il dit, le cheikh, que c'est important pour qu'un musulman prenne une portion de la nuit pour faire des prières et qu'il continue, qu'il le fasse constamment. Même si c'est peu, il le fait constamment. Et comme on dit, des fois, tu te lèves une fois, tu fais beaucoup, et puis tu cesses le lendemain, et après tu le fais plus. Et ça, donc, c'est pas bon, en fait. Toutefois, si tu te lèves une fois, tu fais quelques rak'at, et puis tu te recouches, ben le fait que tu en aies fait peu mais que tu le fais régulièrement, et ben c'est déjà mieux que de faire beaucoup puis de cesser tout de suite après. Donc c'est ce que le chef est en train d'expliquer ici. Et il dit après, فَإِذَا اسْتَيْقَظَ اسْتَاكَ وَذَكَرَ اللَّهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Donc le cheikh il dit que lorsque quelqu'un se réveille, il fait le siwak, il utilise un miswak et il nettoie sa bouche avec, et il mentionne le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il mentionne Allah de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans la sunnah, en disant les deux doigts que j'ai mentionnés. Et il dit wa yustahabbu an yaftatiha tahajjudahu bi rak'atayn khafifatayn li hadith abi hurayra radiyallahu anhu idha qama ahadukum min al-layl falyastaftih صلاته بركعتين خفيفتين رواه مسلم وغيره. نعم. Donc le cheikh il dit que lorsqu'une personne se lève la nuit, c'est recommandé qu'il commence ses prières de la nuit par deux rak'at légères. À cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté selon Abi Huraira, qui dit que lorsque l'un de vous se lève durant la nuit, qu'il commence sa prière par deux légères rak'at. C'est rapporté donc, comme j'ai dit, par l'imam Muslim et d'autres. ويسلم في صلاته في صلاة الليل من كل ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى رواه الجماعة. Donc le cheikh il dit que il fait le taslim après chaque rak'atayn, après avoir fait deux rak'ah, il fait le taslim à chaque fois. Donc il fait deux les prières, comme ça a été mentionné par Al-Bukhari dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Ahmad al-Tirmidhi, Abu Dawood, An-Nasa'i et Ibn Majah. Ça dit que la prière de la nuit c'est deux par deux, c'est-à-dire deux rak'at par deux rak'at. ومعنى مثنى مثنى أي ركعتان ركعتان بتشهد وتسليمتين وهي ثنائية لا رباعية. Donc c'est ça, on les fait deux rak'at par deux et avec un tashahud et deux taslim. Assalamu alaikum. Et ça c'est donc par deux et non pas par quatre. وينبغي إطالة القيام والركوع والسجود. Donc c'est bon, il faut essayer de prolonger le qiyam, quand on récite debout, et prolonger le recours, l'inclinaison, et de prononcer prolonger le sujoud, et de faire des longs sujoud, des longues prosternations. وينبغي أن يكون تهجده في بيته. فقد اتفق أهل العلم على أن صلاة التطوع في البيت أفضل، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. الشيخ dit que il faut faire le tahajjud dans notre maison, et il dit que les ulama sont d'accord pour dire que la prière que tu fais dans ta maison est meilleure, c'est-à-dire la prière tahajjud, la prière volontaire, la prière qu'on fait qui est surérogatoire. Pas la prière obligatoire. La prière obligatoire, elle est meilleure dans la mosquée. Mais là, on parle de la prière surérogatoire. Elle est mieux à la maison, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la priait chez lui. Non. Après, le cheikh il dit: قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم فإن خير الصلاة أو فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فصيغة مكتوبة البخاري ومسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "Priez dans vos demeures, car la meilleure prière d'une personne est dans sa maison, excepté la prière obligatoire. لأنه أقرب إلى الإخلاص. Pourquoi? Parce que c'est plus proche de la sincérité et de la pureté dans l'intention. الشيخ dit: وصلاة النافلة قائما أفضل من الصلاة قاعدا بلا عذر لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل ممن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم متفق عليه. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari selon Imran ibn Hussein, et l'imam Muslim l'a rapporté également selon Abdullah ibn Amr. Et qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la personne qui, comme le cheikh a dit, la prière volontaire qu'on fait debout, elle est mieux que la prière qu'on fait assis, sans excuse ou sans raison. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, il dit dans ce hadith-là qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, celui qui prie debout, il est mieux. Et celui qui prie assis, il a la moitié de la récompense de celui qui prie debout. Et ça c'est donc rapporté, comme j'ai dit, par Al-Bukhari et Muslim. Ensuite il dit: amma man salla an-nafila, man salla an-nafila qa'idan li 'udrin fa ajruhu ka ajri al-qa'im li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ما كان يعمل مقيما صحيحا وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. Le cheikh il dit que celui qui a prié une prière volontaire ou une prière surérogatoire, disons deux, il l'a prié assis mais il a prié assis à cause d'une raison ou d'une excuse valable, c'est-à-dire qu'il soit malade ou qu'il ait une faiblesse ou quelque chose dans ces genres, alors dans ce cas-là, il aura la prière, la récompense de la personne qui a prié debout, parce que il n'a pas fait ça, disons, par paresse ou bien par fatigue, il a juste fait ça pour une raison valable qui l'a empêché de prier debout. Et donc le cheikh il dit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Al-Bukhari selon Abu Musa al-Ash'ari, ça dit: et lorsque le serviteur est malade ou qu'il est en voyage, eh bien on lui écrit la récompense de l'action qu'il faisait quand il était chez lui et lorsqu'il était en santé. Donc quand il était chez lui, dans le sens que quand il était dans son pays, non pas en voyage, et quand il était en bonne santé. Et donc ça nous montre la permission de faire des prières surérogatoires en position assise, avec la capacité, même si on a la capacité de prier debout, et que ça c'est mujma'un alayh, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre les ulama à ce sujet-là. Il y a un consensus à ce sujet. Wallahu a'lam. Naam. Ah oui, c'est ça. وجواز التطوع جالسا مع القدرة على القيام مجمع عليه. Il y a un اجماع là-dessus. Après, le cheikh il dit: ويختم صلاته بالوتر. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل آخر صلاته بالليل وترا وأمر بذلك في أحاديث كثيرة. Et il termine sa série de rakatayn qu'il fait durant la nuit par la prière de witr, comme on avait expliqué ça lorsqu'on a parlé du witr. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire en sorte que ta dernière prière de la nuit soit le witr. Et ça c'est rapporté selon Aïcha par l'imam Muslim, et il a également ordonné ça dans plusieurs hadiths, comme dans le hadith de Ibn Omar rapporté selon Al-Bukhari et Muslim à ce sujet-là. Et ensuite il dit: وَمَنْ فَاتَهُ تَهَجُّدَهُ مِنَ اللَّيْلِ اسْتُحِبَّ لَهُ قَضَاؤُهُ قَبْلَ الظُّهُرِ لِحَدِيثِ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ. Ça s'est rapporté par l'imam Muslim selon le hadith de Ibn Omar radiyallahu anhu. Ça dit que celui qui a manqué sa prière de tahajjud durant la nuit, eh bien c'est recommandé pour lui de reprendre ses prières de tahajjud avant la prière de dhuhr, à cause du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: celui qui a dormi et donc que celui que le sommeil l'a empêché, disons, de faire de lire sa partie du Coran ou bien de faire quelque chose ou de lire de lire quelque chose du Coran ou bien de faire une prière quelconque durant la nuit à cause du sommeil, eh ben il peut faire cette prière là ou lire ça entre la prière de Fajr et la prière de Zohr, et on va lui écrire comme s'il avait prié durant la nuit, comme s'il l'avait lu durant la nuit. Le cheikh dit: أيها المسلم لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بشيء قليل تداوم عليه لتنال من ثواب القائمين المستغفرين بالأسحار وربما يدفع بك القليل إلى الكثير والله أعلم والله لا يضيع أجر المحسنين. Le cheikh il dit que tu ne dois pas te priver de faire la prière durant la nuit, même si c'est un petit peu, yani, qu'est-ce que tu fais, d'autant que yani, pour autant que tant que tu le fais constamment, c'est ça l'important, et tu vas avoir la récompense de ceux qui ont fait la prière avant l'aube et qui ont demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala avant l'aube, et même que ce petit que tu vas faire là pourrait même t'amener à de grandes choses et à faire beaucoup plus d'adoration par la suite. et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse pas perdre les récompenses des gens qui ont fait le bien. Donc Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera demain Inch'Allah. Et demain on va parler de Babun fi al-awqat al-manhi an al-salat fiha, et on va parler de wujub salat al-jama'ah, c'est-à-dire les heures dans lesquelles on n'a pas le droit de faire la prière, et on va parler également de la prière en groupe et de son obligation. Donc on va s'arrêter ici Inch'Allah et on continuera demain Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Mubarakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.